بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك المسمى بدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. سنقول في المسألة الرابعة كاتريام مسألة. Donc l'auteur cite le verset. قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Toujours dans sourate al-Baqarah, verset 6. Certes, ceux qui ont mécru, peu leur importe que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Ou ils ne croient pas. قال رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار. Donc ce verset, l'apparence de ce verset démontre que les koufars n'ont pas d'iman. Ils ne croiront pas. L'anyakbelu et ani erisala. Fumakal Wakadja fi ayatin ukhar ma yadullu ala anna ba'd al-kuffar yu'minuna billahi wa rasulihi. Kakoulihi ta'ala Et donc d'autres versets dans le Coran sont venus qui eux montrent que certains koufars croient en Allah et en son messager. C'est-à-dire, ils vont y croire en fait. Même ils vont accepter. Contrairement à ce que laisse apparaître le premier verset, que quoi que tu dises, ils ne croiront pas, ils ne croient pas. Comme dans sa parole dans le sens où il dit, et que si jamais ils cessent, c'est-à-dire leur mécréance, il leur sera pardonné ce qu'ils ont fait auparavant. Surat al-Anfal, le butin, verset 38. كذلك كقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. Et c'est comme ça que vous étiez auparavant, c'est-à-dire dans le kufr, puis Allah vous a gratifié. Surat al-Nisa, les femmes, verset 94, c'est-à-dire vous êtes dans le kufr et que Allah vous a accordé l'iman. وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به. Et parmi ceux-là, c'est-à-dire parmi les koufars, certains qui y croient, c'est-à-dire qui y croient au livre. Surat al-Ankabut, l'araignée, verset 47. Donc là, on a des versets qui disent qu'ils ne croient pas, qu'ils ne croiront pas, et d'autres versets qui disent que parmi eux, certains croient. Wajju al-jam'i zahirun. Donc là, le lien, il est apparent, il est clair. Wa huwa anna al-ayata min al-'am al-makhsus. C'est que ce verset-là, c'est ce qu'on appelle un « am al-makhsus », c'est-à-dire un verset général qui est spécifiable, c'est-à-dire qu'on peut le trouver un tarsis qui fait qu'on a un love général et on peut en extraire des choses qui font exception à cette généralité. Ça, on l'a expliqué dans les durus de Usul al-Fiqh, « kadhalik », c'est quoi un « am al-makhsus » ou un « am al-ladhi urida bil-khusus » ou « ghayr dhalika » pour avoir plus de tafsil dans la mas'ala, revenir à ces durus-là. قال لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في العلم الله الشقاوة المشار إليه بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Donc là pourquoi? Là c'est-à-dire le premier verset, d'accord, le premier verset, son terme il est عام. Allah عز وجل a voulu plutôt par là viser ceux dont il sait qu'ils n'accepteront pas la foi. Ceux dont Allah Azzawajal sait déjà qu'ils sont parmi les gens du feu. Comme l'indique sa parole dans le sens où il dit, certes, ceux sur qui s'applique notre parole, là ou plutôt la parole de ton Seigneur, ne croiront pas, même s'ils voyaient tous les signes, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Allah Azzawajal, comme vous le savez, quand même, il connaît les choses avant qu'elles n'arrivent. Et il sait chacun où est sa place. Al-Jannah ou Al-Nar. Donc ce verset-là vise ceux dont Allah Azzawajal sait déjà qu'ils ne vont pas accepter. Peu leur importe que tu les avertisses ou pas, ils ne vont pas accepter. Et dans d'autres versets, Allah Azzawajal sait que certains d'entre eux vont accepter. قال ويدلو. Ça c'est le verset qu'on vient de citer, Yunus, verset 97 à 96. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم. Donc parmi les choses qui démontrent ce tarsis, cette spécificité, c'est-à-dire que ce verset-là est propre à ceux dont Allah a connu la mécréance jusqu'à la mort, c'est la parole dans le sens où il dit que Allah a scellé leur cœur. Surat al-Baqarah, verset 7. Allah a scellé leur cœur, c'est-à-dire ceux-là ne croiront jamais. وَأَجَابَ الْبَعْضُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يُؤْمِنُونَ مَدَامَ الْطَبْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ وَغِشَاوَةَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ فَإِنْ أَزَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ بِفَضْلِهِ آمَنُوا. Et d'autres ulama, ils ont dit le sens du verset, qu'on a cité en premier lieu, de la mas'ala, c'est qu'ils ne croiront pas tant que leur cœur, tant qu'il y aura le taba, c'est-à-dire que Allah aura scellé leur cœur, ainsi que leur oui, et qu'il aura recouvert leur vue. Cela, tant qu'ils seront dans ce hell-là, madame ou ala hadha al-hell, lan yu'minu, ne croiront pas. Par contre, si Allah retire cela de leur cœur, par sa grâce, là, ils croiront. Comme c'est le cas des koufars en général avant de rentrer en islam. Et là, il mas'ala, faqat mbab al-fa'ida, Sheikhuna Muhammad ibn Hizam, hafizallahu ta'ala, qad su'ila, hel Allahu yuhib al-kafir alladhi ya'lam annahu sayuslim. Est-ce que Allah Azza wa Jal aime le kafir dont il sait qu'il se soumettra à Allah Azza wa Jal qui entrera en islam? Fa'ajaba bi qawli qala la yuhibbuhu ma dama kafiran. Lianna Allah qala inna Allah la yuhibbu al-kafirin. Wa la yardu li'ibadihi al-kufr. Que il dit que même tant qu'il est kafir que Allah ne l'aime pas même s'il sait qu'il deviendra musulman par la suite. Tant qu'il est kafir, Allah ne l'aime pas, comme dans le verset, Allah Azzawajal, dans le sens où il dit que certes, Allah n'aime pas les mécréants et qu'il n'agrée pas pour serviteur le kufr. Donc le hell dans lequel se trouve le serviteur, Allah Azzawajal ne l'aime pas. Et quand il rentrera en islam, il finira par l'aimer. Naam. Donc là, c'est la masala qu'on a pris aujourd'hui. Que ce verset-là, en fait, son apparence est générale, mais il vise par là des gens, une catégorie de gens spécifiques qui sont ceux dont Allah a connu ou a su qui n'accepteront pas l'islam. Naam. Falhamdulillah rabbil alamin.